dans ce livre qui nous présente le royaume de Dieu. Et on a regardé ensemble dans les premiers enseignements que ce terme, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, revient tout au long de l'Évangile, à tous les chapitres, on en parle. Et le mot « roi » revient souvent. Donc, c'est la présentation. Matthieu s'efforce de convaincre son peuple, le peuple des Juifs, que Jésus de Nazareth est le Messie ou le roi qui avait été promis à travers David. Dieu avait dit à David, « De tes descendants va naître un roi qui va régner éternellement. » Et les Juifs n'ont pas accepté ça, ils l'ont rejeté, et David essaie de les convaincre, pas David, mais Matthieu essaie de les convaincre de la vérité. Malgré que l'Évangile n'a pas été donné aux inconvertis, elle a été donnée aux croyants. Donc, c'est les croyants qui ont reçu l'Évangile de Matthieu. Et de là, eux autres devaient transmettre au peuple des vérités. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Évangile a peut-être... Il n'a pas imprimé 2000 Évangiles de Matthieu puis se promener dans la ville de Jérusalem et en donner à tout le monde. Il n'a pas fait ça. Il a écrit ça à l'Église, aux gens qui croyaient déjà. Et eux autres, plus ils absorbaient de l'information, plus ils devenaient eux-mêmes convaincus que Jésus était le vrai Messie, et plus ça leur donnait aussi des capacités de répondre aux gens qui posaient des questions. Pourquoi? Il me semble que dans cela, il y a bien des gens qui ont dû poser la question aux chrétiens juifs. Pourquoi est-ce que vous croyez que Jésus, c'est le Messie qui devait venir? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Et là, ils sortaient leur évangile de Matthieu, puis ils pouvaient démontrer. Et on a vu ensemble que Matthieu va, la façon qu'il va s'y prendre, je pense que c'est 23 ou 25 fois, il va dire, « Ainsi s'accomplit ce qui avait été promis. Ainsi s'accomplit la prophétie d'Isaïe. Ainsi s'accomplit ce que David avait dit dans les psaumes. Ainsi s'accomplit. Ainsi qu'il était écrit. » Donc, il va aller chercher 25 vérités de l'Ancien Testament, puis il va les donner. Voici, ce Jésus de Nazareth a accompli ces 25 prophéties-là. Donc, il y en a d'autres, mais au moins, il leur donne une bonne idée de comment ils devraient faire pour prouver que Jésus était le Messie. OK? Donc, il n'a pas tout dit ce qu'il avait à dire, parce qu'il semblerait que Jésus a accompli 300 prophéties de l'Ancien Testament par sa première venue. C'est ce que j'ai entendu. Ici, on n'en a pas 300 là, dans l'Évangile de Matthieu. Mais je vous encourage, je vous donnerai un défi à un moment donné d'aller voir un juif qui est vraiment orthodoxe dans sa foi, hein, et d'essayer de le convaincre que Jésus de Nazareth, c'est le Messie qui devait venir. Vous n'avez pas le droit à votre Nouveau Testament. Vous n'avez pas le droit, et lui, il ne croit pas au Nouveau Testament. Je l'ai fait, c'est moi. Livre d'imposteur! C'est pas vrai ce qui est marqué dans ce livre-là. Donc, la seule chose que tu as, c'est ton Ancien Testament. Et là, c'est toute une autre histoire. Hein? On n'est pas habitué à ça. Donc, je suis bien content que la plupart du temps, quand je tourne avec quelqu'un, c'est un catholique ou un ancien catholique. Je comprends mieux ce qu'ils vivent. Je comprends mieux ce qu'ils vivent. Ce matin, on va regarder que, après que Jésus a eu une naissance royale, Jésus a eu une enfance royale, Jésus a eu une enfance royale dans le sens que, étant lui-même héritier du trône de David qui s'en venait, les rois en place, la seule chose qu'ils veulent faire, c'est quoi? Tuer ce nouveau roi qui vient de naître. Et on a vu Hérode qui s'achante de toutes ses capacités pour faire disparaître ce nouveau enfant roi. C'était toujours comme ça. Aussitôt que les enfants naissaient, on essayait de les tuer parce qu'on ne voulait pas qu'ils deviennent des nouveaux rois. Et quand Babylone est venu prendre possession d'Israël, la première chose qu'il faisait, c'est quoi? Il trouvait tous les descendants royaux et on leur coupait le cou. On ne les emmenait pas comme esclaves, ceux-là. Parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des descendants. Personne ne pouvait sauver. « Hey, moi, je suis descendant royal! » Non, non, tu étais mort. C'était, tu ne le disais pas. Tu essayais de te cacher, même. Tu enlevais tout ça, puis tu mettais un vêtement de berger, si tu pouvais, pour pas que les gens sachent que tu es un descendant royal, parce que tu vas te faire tuer, c'est sûr. Si vous ne me croyez pas, regardez ce que Gédéon a fait quand il a battu les Madianites. Il a emmené tous les chefs, tous les rois, ils ont tout coupé la tête devant Israël. C'est ce qu'on faisait, c'était la coutume. Aujourd'hui, on a la démocratie. On les enlève, on leur donne une pension à vie. C'est de la démocratie, ça. Ils sont bien privilégiés, hein, par rapport à 2000 ans d'arrière. Et ce matin, nous allons voir ensemble que le nouveau roi, le titre que j'ai donné, c'est « Un roi lumineux, un roi qui va amener de la lumière. » Le royaume qu'il va installer, qu'il va instaurer, ça va être un royaume de lumière. Quand vous lisez la Genèse, vous allez voir que dans la Genèse, quand Dieu crée le monde, il crée la lumière. C'est la première chose qu'il va créer. Il crée la lumière. Et jusqu'à la chute de l'homme, c'est de la lumière qu'on voit. Mais après la chute de l'homme et de la femme, c'est des ténèbres qui envahissent le monde. Et c'est pas juste que les ténèbres envahissent le monde, c'est que le monde, les gens dans le monde deviennent eux-mêmes ténèbres. Le monde dans lequel nous vivons est ténèbres. Et que c'est dur pour nous autres de comprendre ça. On le dit intellectuellement, là. Oui, on le dit, là. Mais on a de la misère à saisir toute l'ampleur de qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on vit dans un monde de ténèbres. Cette semaine, j'étais à l'école et on a eu une discussion, on était 7-8, et je suis venu sur une question de l'amour. Et là, tout le monde a commencé à vouloir donner son opinion sur qu'est-ce que c'était l'amour, comment qu'on pouvait définir ça. Selon ma compréhension, la définition qu'il donnait de l'amour, c'était une définition de quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Ils ne peuvent pas définir l'amour comme étant lumière. Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas capables. Ils sont eux-mêmes ténèbres. Donc, la définition qu'ils ont donnée, c'est une définition ténébreuse de l'amour. Et là, moi, j'ai lancé par-dessus, parce qu'on est à la discussion, j'ai dit, maintenant, comment est-ce que vous définiriez l'amour de Dieu? Voyez-vous, parce que là, on lance plus loin. Là, j'ai dit, l'amour de Dieu, comment vous la définissez maintenant? Et leur définition de l'amour de Dieu est encore plus ténébreuse. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont la même définition que j'avais avant. Je me rappelle de ce que j'avais avant. Je me rappelle comment je définissais ça moi aussi avant. C'est une définition de ténèbres. Parce qu'on ne comprend pas la lumière. On vit dans les ténèbres et on ne sait même pas que ça existe la lumière. On est des ténèbres. Et quelqu'un vient nous voir et dit, « François, tu es dans les ténèbres. » Ben, ouais, non, tu es même en terre, c'est pas vrai, je te crée pas. » On ne peut pas savoir. On ne comprend pas parce qu'on est dans les ténèbres. Donc, quand Jésus vient pour instaurer le royaume des cieux, il doit instaurer un royaume de lumière. Il va ramener la lumière. C'est son rôle. C'est un royaume des cieux, donc un royaume de lumière. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, que l'auteur, Matthieu, va faire sortir que Jésus, ou le roi, le futur roi, va installer, va inaugurer un royaume de lumière. Il ne va pas juste emmener de la lumière. Ceux qui vont vivre dans ce royaume-là vont être appelés lumière. Jésus dit, vous êtes maintenant des enfants de lumière. Hey, toute une histoire. On est passé d'enfants de ténèbres à enfants de lumière. Nous sommes de la lumière maintenant. Parce que nous sommes intégrés à la lumière qui est Jésus. Jésus dit, on ne brille pas fort, mais pas grave. 10 000 petites lumières, ça finit par faire un 100 watts à quelque part. On a juste une petite lumière chacun, on se met ensemble, puis on va devenir un petit 100 watts. Mais quand on met Jésus avec nous, mais ça fait une grosse lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jean, chapitre 1. La lumière qui est à Jésus est venue dans les ténèbres, c'est-à-dire le monde, et les ténèbres ne l'ont pas accepté, ils l'ont rejeté. Ils l'ont fait mourir. Je ne sais pas si des fois vous faites comme moi, vous vous levez la nuit pour aller au petit coin, et vous n'allumez pas la lumière. Pourquoi? Vous avez la famille aux yeux. On n'avait pas la lumière. Des fois, je rentre dans mon bureau, je lève la lumière, j'ai les yeux fermés. Là, je les ouvre bien tranquillement. Pas que ça fasse trop mal. Ça fait un... Hein? Et quand les hommes ont vu la lumière parmi eux, la seule chose qu'ils voulaient faire, c'était quoi? D'éteindre la lumière. La seule chose que l'être humain veut faire, c'est éteindre la lumière. Il dit dans le même chapitre de Jean, il dit, ils ont été à la lumière parce qu'ils ne voulaient pas que la lumière révèle leur état d'être. Ils ne voulaient pas que la lumière montre à quel point ils étaient spirituellement dans les ténèbres. Soit que tu acceptes la lumière et que la lumière te transforme, ou alors que tu la rejettes, parce que tu ne peux pas rester entre les deux. Paul dit aux Éphésiens, vous étiez ténèbres. Là, il est allé plus personnellement. Il n'a pas dit « Vous vivez dans les ténèbres », parce qu'il l'avait déjà dit ailleurs. Maintenant, il dit « Vous étiez, vous, ténèbres. » Donc, faisons ce que Adolf Monod a dit. « Méfions-nous de nous-mêmes. » Parce que nous étions ténèbres avant. « Méfions-nous de nous-mêmes. » Il avait dit ça sur son lit de mort, hein. Si j'avais une autre vie à vivre, je me méfierais encore bien plus de moi-même qu'avant. Et en tant que chrétien, on est des enfants de lumière, mais on a encore une partie de nous qu'on appelle la chair, qui, elle, est dans les ténèbres. Et il y a ce combat-là entre l'esprit et la chair, ou entre la lumière et les ténèbres. On a l'assurance, on a la conviction profonde que la lumière va l'emporter sur les ténèbres. Mais méfions-nous des fois. Quand on prend des décisions, c'est les ténèbres qui voudraient prendre un peu de décision. Hein? C'est la chair qu'on dit qui veut prendre la décision et de toujours s'interroger et dire, c'est-tu la lumière là, ou les ténèbres qui prennent le dessus? C'est-tu la lumière qui veut me faire prendre cette décision-là ou c'est les ténèbres? Parce que notre roi est venu instaurer un royaume de lumière. Chapitre 4. Verset 1, comme dans tous les combats, dans toutes les guerres, on a une décision à prendre, il y a un combat qui va s'installer, et ce matin, on va avoir une rencontre entre la lumière et les ténèbres. Donc, c'est la première rencontre, la première chose qu'on va voir, Jésus veut installer un royaume de lumière, donc il doit affronter celui qui est là et que lui avait instauré un royaume de ténèbres. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans les premiers versets. Alors Jésus fut amené par l'Esprit Saint ou par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Ça, c'est la première, on pourrait dire, interaction entre la lumière et les ténèbres. Si Jésus veut installer un royaume, là où il y a déjà un royaume d'installer, il doit faire face à celui qui est le chef de ce royaume. Donc ici, l'Esprit de Dieu va emmener Jésus, parce que l'Esprit qui conduit Jésus au désert, il va être confronté aux ténèbres. Et l'issue de tout l'établissement du royaume de Dieu se joue là. Ces quelques temps, ces quelques jours, ces 40 jours au désert, de ces 40 jours va dépendre l'avenir du royaume de Dieu. Si Jésus perd la guerre ici ou la bataille ici, il n'y a jamais de royaume qui va s'installer. Mais s'il gagne, il gagne le droit aussi d'établir le royaume de Dieu. Et c'est intéressant, hein? Ici que c'est Dieu qui emmène Jésus rencontrer Satan. C'est pas Satan qui est venu, c'est Jésus qui est allé. Il l'a emmené au désert pour y être tenté. On pourrait traduire pour y faire la guerre, hein? Pour faire un combat. Parce que la tentation, c'est toujours un combat, hein? Il y a une guerre qui s'installe entre la lumière et les ténèbres, entre la chair et l'esprit, entre Dieu et Satan. Il y a un combat qui s'installe. Et quand Dieu a emmené Satan là, quand il a emmené Jésus là, et pour y être tenté par le diable, maintenant la guerre, il y a un combat phénoménal, un combat cosmique, si je peux dire comme ça, un combat cosmique qui s'est déroulé là, entre les deux plus grand. On présume que Satan a une puissance peut-être plus grande que les autres anges, on présume. On n'a pas de preuve à 100% de ça. Mais il y a une confrontation ici entre les ténèbres et la lumière. Et remarquez bien sur quel point ça se joue. Le combat se joue sur un point. Dieu a dit, Dieu n'a pas dit. Dieu a dit, Dieu n'a pas dit. Satan va dire des mensonges et Jésus va confronter le mensonge par la vérité. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Donc Jésus, pour battre les ténèbres, il va chercher de la lumière. Tu ne peux pas vaincre les ténèbres par autre chose que la lumière. Asseye-toi tant que tu voudras, tu ne réussiras pas. Il n'y a rien qui peut vaincre les ténèbres excepté de la lumière. Et Jésus étant un être humain à ce moment-là, étant sur la terre en tant qu'être humain, il va aller puiser dans la lumière. Ta parole est la lumière. Hein? La parole de Dieu, c'est la lumière. Il y a plusieurs versets de la Bible qui nous disent ça. Ta parole est une lampe à mes pieds. En tout cas, il y a toutes sortes de symboles pour nous dire que la parole de Dieu, c'est la lumière. Jésus est la lumière. Dans l'Ancien Testament, Dieu était la lumière. Donc, la parole de Dieu, c'est la lumière. Donc, il va chercher de la lumière. Jésus aurait pu sortir une lampe de poche spirituelle. Pouf! L'allumer. C'est ça que vous faites, vous autres, quand il fait noir? Vous allumez une lampe de poche, vous allumez une allumette, vous allumez un interrupteur. Vous faites... Si vous voulez que les ténèbres... Essayez-vous de rentrer à quelque part et de dire, « Ténèbres, va-t'en! Essayez de faire n'importe quoi, là. Tape des mains, fais ce que tu voudras! » Ça va faire toujours noir dans la chambre. Jusqu'à temps que tu allumes la lumière. Seulement, il y a juste la lumière qui peut repousser les ténèbres. Et Jésus ici va gagner la bataille contre Satan en disant, il est écrit. C'est la seule façon. Il a pas, il s'est pas sorti son épée. L'épée, la parole de Dieu, c'est un épée aussi, là. Il n'est pas sorti un épée science-fiction, là. Il n'a pas fait toutes sortes de simagrées. Non, non. Il a juste dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'est la seule chose que nous avons. La lumière pour combattre contre les ténèbres. Il n'y a pas d'autre chose. Remarquez bien. Jésus ne s'est pas jeté à genoux pour prier. Vous ne gagnerez pas avec la prière si vous n'avez pas la vérité qui va avec. Vous ne gagnerez pas. C'est pour ça qu'il y a un paquet de prières qu'on fait qui ne marchent pas. Parce que ça ne reflète pas toujours la vérité. C'est la vérité. C'est cette lumière qui va aller contre le mensonge. Oh, dans ma prière, je peux invoquer la lumière pour battre, me battre contre les ténèbres. Je peux demander à la lumière, je peux demander des principes de Bible. Je peux en appeler aux promesses de Dieu, qui est la lumière. Je peux faire ça, mais c'est la vérité, c'est la lumière qui va dire aux ténèbres, va-t'en loin d'ici, disparaît. Nous avons un bel exemple ici de comment est-ce qu'on doit vaincre les ténèbres. Donc Jésus ayant gagné, parce qu'on voit le diable s'en aller avec la queue entre les deux pattes, si jamais il y a une queue. Je ne pense pas qu'il y en a une. On a été imaginé comme ça quand on était jeune. Il est parti, la Bible nous dit qu'il est parti, puis c'est en été. Ah, il va revenir à quelques reprises, mais il ne va jamais gagner. Il ne va jamais gagner. C'est là que ça se jouait. C'est à ce moment-là que ça se jouait. Si Satan aurait pu gagner, il aurait gagné là. Il n'a pas pu gagner là. Il n'a jamais gagné par la suite non plus. Et pour nous autres ici, on a souvent étudié ce passage-là en fonction de comment nous faire face à la tentation. C'est correct. C'est une extrapolation. C'est correct. Mais le sens, c'est quand Matthieu l'écrit, il voulait juste nous dire à nous, qui sommes le peuple de Dieu, ou les gens qui étaient pour lire ça, la lumière est plus forte que les ténèbres. Ou la vérité est plus forte que le mensonge. Ou Jésus est plus fort que Satan. On lit ça comme ça. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ici, pour moi, ce que ça m'invite à faire, c'est pas de me jeter à genoux pour essayer de faire n'importe quoi, pour essayer de me battre contre Satan, pour essayer de gagner. C'est pour ça que... Savez-vous ce que ça me dit, simplement? Va te cacher en arrière de Jésus. Quand le diable va t'attenter, va te cacher auprès de Jésus. Va y prendre la main. Parce que toi, tu n'as pas la capacité, mais lui a la capacité. On ne peut pas se battre contre le diable. Parce que le diable est déjà battu. Le diable est déjà battu. Vous ne pouvez pas le battre, il est déjà battu. Il était battu par quelqu'un d'autre. Nous, par la foi, nous invoquons, si je peux dire comme ça, cette bataille-là. Tu ne pourras pas me battre parce que moi, je suis avec Jésus et Jésus t'a déjà battu. Moi, j'ai mis ma confiance dans celui qui t'a déjà battu, qui est le diable. C'est comme ça qu'on, quand il dit « Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. » C'est ça que ça veut dire. Tu résistes en disant « J'ai mis ma confiance en Jésus, je reste ma confiance en Jésus, c'est Jésus qui t'a battu et je reste attaché à lui. Tu peux dire ce que tu voudras, tu peux faire ce que tu voudras, mais moi, je reste attaché là. » Ma confiance, c'est en lui. C'est comme ça qu'on y résiste. Il n'y a pas de 56 magrés. Il n'y a pas besoin de ça. Par la foi dans la personne de Jésus. Vous avez peut-être fait comme moi des fois, dire à Satan, « Ah, tu as peut-être gagné une bataille, mais tu vas perdre la guerre. » Mon an. On ajoute tout petit mot. Tu vas perdre la guerre parce que Jésus l'a gagné pour moi. Tu vas perdre la guerre. Ce que Jésus nous demande, c'est de se réfugier en lui et de lui faire confiance. Faire confiance. Verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée et quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Après cette tentation au désert, après de s'être battu avec Satan et d'avoir remporté la victoire en utilisant la lumière pour vaincre, il dit qu'il va se retirer. Il se retire dans la Galilée. Et en faisant ce geste, Matthieu invoque une prophétie dans l'Ancien Testament. Il y avait une prophétie dans l'Ancien Testament qui disait, que, comme c'est marqué là, verset 14, qu'une lumière viendrait dans cette partie-là du pays. Une grande lumière va se lever. Il dit, le fait que Jésus est allé s'installer en Galilée, dans ce pays, dans cette partie-là du pays d'Israël, ainsi s'accomplit la prophétie d'Isaïe. Donc, il est en train de dire que la lumière, c'était Jésus. Il y a une grande lumière, va se lever, Jésus arrive, Matthieu dit, voici, c'était ça la prophétie. Parce que Jésus, c'est la lumière. Donc, Jésus, ici, au verset 12 et 13, il nous dit que Jean est arrêté et lui est parti, il a quitté Jérusalem, il est monté à Nazareth, il est parti de Nazareth, il est allé s'installer à Capernaum. Et Capernaum, on l'appelle comment dans le passage? Comment est-ce qu'on l'appelle? La Galilée des gentils. C'était qui les gentils dans la Bible? Les non-juifs. Hein? C'est les autres, les gentils. Donc, c'était tellement... C'était tellement, pour les Juifs de Jérusalem, la Galilée, c'était la Sodome et Gomorre. C'est comme certaines personnes qui vivent dans les petits villages qui disent que Montréal, c'est la grande ville des péchés. Ah, Montréal, ça, c'est terrible. C'est terrible, Montréal. Pour les Juifs, vous vous souvenez qu'est-ce que Nicodème a dit? Pas Nicodème, Nathanaël? Peut-il sortir quelque chose de bon de la Galilée ou de Nazareth? Voyons donc, il n'y a rien de bon qui va sortir de là. Une gang de pourris, là. Pourquoi vous pensez que c'était comme ça? Parce qu'en Samarie et tout le nord, dans l'Ancien Testament, vous avez cette séparation entre le nord et le sud. À partir de la Samarie en montant, hein, ils s'étaient séparés et ils s'étaient mariés. C'est ce qu'on appelle les Samaritains. Les Samaritains, c'était mariés avec des non-juifs. C'était des bâtards. C'était pas des purs laines juifs. Et donc, les autres n'avaient pas accepté les prophètes. Il y avait juste les cinq premiers livres de la Bible. Il y avait juste le Pentateuque. Ils s'étaient mariés avec toutes sortes de monde. Et donc, on les appelait la Galilée des païens. La Galilée des gentils. Il n'y a rien de bon qui va sortir de là. Mais la lumière va apparaître là. Il dit, la lumière a lui, là. Il y avait une prophétie au verset 14. Il y a encore ce petit bout, comme je vous dis tout à l'heure. Ainsi s'accomplit ce que le prophète avait dit. Une lumière va apparaître à Zabulon. Une lumière va apparaître dans la Galilée des païens. Une lumière va venir et Jésus va s'installer là. Et il dit, ainsi s'accomplit la prophétie. Donc, Jésus, c'est quoi? C'est la lumière. Jésus, c'est la lumière. Remarquez bien où est-ce qu'il va s'installer. Il y a deux termes, là, qui... vous dites ça aujourd'hui dans un lieu public, à des gens avec lesquels vous jasez, on vous fait presque arrêter. Il dit, un peuple assis dans les ténèbres. Puis là, il dit une autre chose. Un peuple assis dans l'ombre de la mort. Toute une façon de décrire Mont Tremblant, n'est-ce pas? Noirondel, Conception, Huberdeau. C'est-tu Huberdeau ou c'est Rémi Huberdeau? Dal Cameron. Quand Dieu regarde le monde dans lequel nous vivons, c'est ce qu'il lui voit. C'est ce qu'il lui voit. Aujourd'hui, un langage très populaire, c'est « faut voir vert ». Dieu voit noir. Dieu voit noir. Il regarde, c'est noir. Les gens, il dit qu'ils sont assis là, sont assis dans l'ombre de la mort. Dites ça à des gens. Je pense que tu es assis dans l'ombre de la mort. Commencez pas avec cette phrase-là. Dieu peut le dire, nous, on le dit avec plus de douceur, en tout cas. Et qu'est-ce que la lumière fait? Qu'est-ce que la lumière fait? La lumière, on voit au verset 17, et Jésus commence à prêcher la repentance. La lumière attire les gens vers Dieu. La lumière, elle a juste un rôle, c'est d'attirer les gens des ténèbres et les emmener à la lumière. La lumière, elle veut juste éclairer les gens pour qu'ils viennent se joindre à la lumière, qu'ils sortent des ténèbres, qu'ils sortent de la mort et qu'ils viennent vers la vie. Et c'est pour ça que Jésus, quand il arrive là, il s'installe là, il dit, à partir du verset 17, dès lors, dès le moment qu'il est installé, dès lors, il commence à prêcher, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le rôle de la lumière, c'est ça. Le rôle de la lumière, c'est pas de donner des couvertes aux pauvres. C'est très bien de faire ça. Mais c'est pas le rôle de la lumière. Vous pouvez faire ça toute votre vie, ils vont rester dans les ténèbres. Vous pouvez les abriter avec plusieurs couvertes, puis le ventre bien plein. Ils vont avoir chaud, ils vont être gras, ils vont mourir gras, mais ils vont mourir dans les ténèbres. On ne peut pas juste faire ça. C'est bien de faire ça, mais on ne peut pas juste faire ça. Jésus a dit, au moment qu'il est arrivé, il dit, repentez-vous. Repentez-vous et venez à la lumière. La lumière, elle a juste un but, c'est d'emmener les gens vers Dieu dans le royaume des cieux. Au verset 18, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans la barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les épala, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toutes les maladies et toute infirmité pour le peuple, parmi le peuple. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie. Lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs diverses ou de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc, la lumière veut emmener les gens vers Dieu. Elle le fait en prêchant la repentance. Et on voit les premiers disciples de la repentance. Quand il a appelé Jacques et Jean et André et Jean et Jacques, Pierre et André, il a appelé des gens qui vivaient dans les. Les apôtres étaient aussi de la gang. Ils étaient aussi assis dans l'ombre de la mort, les apôtres. Ce n'étaient pas des super spirituels religieux qui étaient tous sauvés, ceux-là. Là. Ils étaient aux autres aussi, là. Et Jean et Jésus les appellent à se repentir. Et J'aimerais qu'on saisisse bien ça. Quand il a appelé ces gens à se repentir, il leur a dit quoi? Arrêtez de faire ça! Commencez à faire ceci! N'allez pas là! Ne touchez pas à ça! Habillez-vous pas comme ça! Non? Qu'est-ce qu'il a dit? Suivez-moi. La repentance, c'est ça. C'est de suivre quelqu'un. C'est de suivre la lumière. Quand il a dit « Repentez-vous », il a dit « Venez-vous-en avec moi qui est la lumière. Je vais vous conduire vers le royaume des cieux. Je vais vous établir avec moi dans le royaume de Dieu. Suivez-moi. » Et nous, on a eu la tendance à parler aux gens de la repentance en parlant qu'ils devaient abandonner certaines actions qu'ils faisaient de pas correctes. Mais ce n'est pas la façon à Jésus de prêcher. Jésus disait « Suivez-moi, suivez-moi. » Celui qui marche avec moi ne marchera pas dans les ténèbres. Il va marcher dans la lumière. Donc, la repentance, c'est je décide de sortir des ténèbres en suivant la lumière. Ça veut dire que je reconnais être dans les ténèbres. Je reconnais, je suis assis dans l'ombre de la mort. Et si je veux en sortir, il faut que je suive Jésus. Il faut que je le suive, lui. Et combien de gens ont décidé, pendant que Jésus était sur la terre, combien de gens ont décidé de ne pas le suivre? Quasiment tout le monde. Juste une petite gang qui l'a suivi. Vraiment. Hein, on sait ça. C'est pas tout le monde qui l'a suivi. Il y avait des foules qui suivaient, pas pour toujours les bonnes raisons, mais il y avait une foule qui le suivait. Puis Jésus n'a pas créé des bêtises à ces gens-là. Mais il veut les emmener dans le royaume de Dieu. Il veut lui ouvrir les yeux. Il veut qu'il voit clair. Il veut qu'il sorte des ténèbres. Il prêche ainsi la bonne nouvelle de Dieu. Sortez de là, repentez-vous et venez croire à la bonne nouvelle de Dieu. Que je vais installer le royaume de Dieu. Que je vais installer un royaume de lumière. Et là, pour moi, le verset 24 à 25, il leur fait goûter c'est quoi le royaume de la lumière. Il leur montre à quel point, qu'est-ce que c'est, comment c'est beau la lumière. Comment c'est beau le royaume de Dieu. Et là, il guérit toutes les maladies, toutes les malades, tous les infirmes, tous les gens qui étaient là. Et les gens viennent par milliers, et il les guérit toutes. Moi, j'appelle ça, il leur fait goûter les bénédictions du royaume des cieux. Il leur fait goûter ça. Voici ce que le royaume des cieux va amener. Les ténèbres avaient amené la mort et la maladie. La lumière va enlever la mort et la maladie. Va tout enlever ça. Peut-être. Et un jour, ils auront dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, là où il n'y aurait plus de mort, plus de pleurs, plus de maladies, il n'y aurait plus rien. Excepté que la lumière. La lumière. Et les effets, que c'est juste la lumière aussi. Les ténèbres vont amener la mort, la maladie, les souffrances et tout ça. Mais la lumière va amener la vie, elle. Jésus, pour les convaincre qu'il est en train d'installer un nouveau royaume, et leur faire goûter les bénédictions du royaume. Vous savez, ce passage de Matthieu nous invite à s'éloigner des ténèbres et à suivre celui qui est la lumière et qui a battu les ténèbres et qui dit « Moi, je suis capable d'instaurer la lumière. » Il invite les gens à venir le rejoindre dans la lumière, à venir le rejoindre dans le royaume des cieux en prêchant la repentance. En prêchant la repentance. Venez et à prêcher aussi la bonne nouvelle. Nouvelle de la vie nouvelle, de la vie éternelle, d'un monde nouveau. Où il n'y aurait plus de douleur, où il n'y aurait plus de souffrance, où il n'y aurait plus rien de ça. Donc, nous, quand nous prêchons au monde dans lequel nous vivons, nous devons faire les deux. Repentance, sortez des ténèbres, venez à un nouveau royaume, voici ce que le nouveau royaume, qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce que ça dit? Je vis dans la lumière, et la lumière va chasser toute la noirceur. Combien de temps ça va prendre à ce qu'il n'y ait plus de noirceur? Je ne sais pas. Parce qu'il y en a encore dans ce monde de noirceur. Ça fait 2000 ans, il y a encore la noirceur. Mais Jésus a promis qu'un jour, il n'y aura plus de noirceur. Attention. Essayons pas de vivre comme s'il n'y avait plus. Il y en a encore de noirceur. Nous vivons dans un monde de noirceur. Et la noirceur fait partie de nos vies de tous les jours. Mais nous avons la promesse qu'un jour, il n'y aura plus de noirceur. Jésus aussi nous demande que la capacité de chasser la noirceur, d'enlever la noirceur, que le Seigneur puisse nous aider à percevoir que nous, on a accepté de vivre dans la lumière. Nous avons un roi qui est un roi lumineux, donc qui ne veut pas vivre avec les ténèbres, qui veut chasser les ténèbres. Il nous invite avec lui à participer au fait d'inviter les gens à rentrer dans la lumière, à rentrer dans ce nouveau royaume des cieux. Et il dit, je suis capable de vous faire entrer, et voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais établir, et voici ce que ça va emmener dans le royaume des cieux. Et de leur parler de l'avenir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, une fois, j'étais en train de lui parler de l'Évangile, puis il m'a dit, si Dieu n'est pas capable de faire mieux que ce qu'il y a maintenant, vous verrez, ça va donner. Voyez-vous? Il dit, c'est Dieu qui règne dans le monde, là, vous dites, c'est Dieu qui aime le monde, vous dites, là, mais si c'est ça que Dieu est capable de faire, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il regarde le monde et il dit, c'est de la foutaille, dit, là, ça ne va pas si bien que ça dans ce monde-là. Là. Ça ne va pas si bien que ça dans ce monde-là. Là. Et c'est là qu'il faut leur dire, attends, il ne faut pas que tu te trompes, là. Ça va venir, c'est en progression, ça s'en vient. Jésus va venir, puis il va faire des nouveaux cieux, une nouvelle terre, là, il va l'installer complètement. En attendant, il faut que tu te repentes, il faut que tu crois, il faut que tu t'embarques dans ce royaume spirituel de la lumière, et un jour, il n'y aurait plus de ténèbres. Il n'y aurait plus de ténèbres. Il n'y aurait plus aucune manifestation des ténèbres. La mort ne sera plus là, les maladies ne seront plus là, la souffrance ne sera plus là, les guerres ne seront plus là, il n'y aurait plus rien, excepté de la lumière. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu, le royaume que tu as installé est un royaume de lumière. Et ceci nous pousse à croire qu'un jour, tout ce qui est une manifestation de ténèbres, même en nous, cette chair qui est en nous encore, qui est une manifestation des ténèbres, va être enlevée. C'est pour ça que tu vas nous ressusciter. Et tu vas nous donner un nouveau corps. Tu vas faire des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et tu vas enlever tout ce qui n'est pas lumière. Seigneur, merci d'avoir mis la lumière en nous. Et on te demande, Seigneur, que tu puisses nous aider à aller prêcher la lumière. À aller annoncer la repentance. Inviter les gens à venir suivre Jésus. Aide-nous à prêcher la bonne nouvelle du royaume, ce royaume merveilleux. Tu nous appelles à cela. Tu nous invites à partager ton rêve, ton ambition, ton plan, ton désir d'établir le royaume des cieux. Guide-nous. Fortifie-nous, car nous voulons que tu sois glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. On va terminer avec un chant, si vous voulez bien.